Cinquième partie. Chapitre 1. À 4 heures, la lune s'était couchée. Il faisait une nuit très noire. Tout dormait encore chez les Deneulin. La vieille maison de briques restait muette et sombre, portes et fenêtres closes, au bout du vaste jardin mal tenu qui la séparait de la fosse de Jean Bar. Sur l'autre façade, passait la route déserte de Vandame, un gros bourg caché derrière la forêt, à 3 kilomètres environ. Deneulin, las d'avoir passé la veille une partie de la journée au fond, ronflait le nez contre le mur, lorsqu'il rêva qu'on l'appelait. Il finit par s'éveiller, entendit réellement une voix, courut ouvrir la fenêtre. C'était un de ses porions debout dans le jardin. « Quoi donc ? » demanda-t-il. « Monsieur, c'est une révolte. La moitié des hommes ne veulent plus travailler et empêchent les autres de descendre. » Il comprenait mal. La tête lourde et bourdonnante de sommeil, saisie par le grand froid, comme par une douche glacée. « Mais forcez-les à descendre, sacrebleu » bégaya-t-il. « Voilà 1 heure que ça dure, » reprit le porion. « Alors nous avons eu l'idée de venir vous chercher. Il n'y a que vous qui leur ferez peut-être entendre raison. »« C'est bien, j'y vais. » Vivement, il s'habilla, l'esprit net maintenant, très inquiet. On aurait pu piller la maison. Ni la cuisinière ni la domestique n'avaient bougé. Mais de l'autre côté du palier, des voix alarmées chuchotaient. Et lorsqu'il sortit, il vit s'ouvrir la porte de ses filles qui toutes deux parurent, vêtues de peignoirs blancs, passer à la hâte. « Père, qu'y a-t-il ? » L'aînée Lucie avait 22 ans, déjà grande, brune, l'air superbe, tandis que Jeanne, la cadette, âgée de 19 ans à peine, était petite, les cheveux dorés, d'une grâce caressante. « Rien de grave, » répondit-il pour les rassurer. « Il paraît que des tapageurs font du bruit là-bas. Je vais voir. » Mais elles se récrièrent. Elles ne voulaient pas le laisser partir sans qu'il prît quelque chose de chaud. Autrement, il leur rentrerait malade, l'estomac délabré comme toujours. Lui se débattait, donnait sa parole d'honneur qu'il était trop pressé. « Écoute, » finit par dire Jeanne en se pendant à son cou, « tu vas boire un petit verre de rhum et manger de biscuits. » Où je reste comme ça, tu es obligé de m'emporter avec moi. » Il dut se résigner en jurant que les biscuits l'étoufferaient. Déjà, elles descendaient devant lui, chacune avec son bougeoir. En bas, dans la salle à manger, elles s'empressèrent de le servir, l'une versant le rhum, l'autre courant à l'office chercher un paquet de biscuits. Ayant perdu leur mère très jeune, elles s'étaient élevées toutes seules, assez mal, gâtées par leur père. L'aînée hantée du rêve de chanter sur les théâtres, la cadette folle de peinture, d'une hardiesse de goût qui l'a singularisée. Mais lorsque le train avait dû être diminué, à la suite de gros embarras d'affaires, il était brusquement poussé, chez ses filles d'air extravagant, des ménagères très sages et très rusées, dont l'œil découvrait les erreurs de centimes dans les comptes. Aujourd'hui, avec leurs allures garçonnières d'artistes, elles tenaient la bourse, rognaient sur les sous, querellaient les fournisseurs, retapaient sans cesse leurs toilettes, arrivaient enfin à rendre décente la gêne croissante de la maison. « Mange, papa !» répétait Lucie. Puis remarquant la préoccupation où il retombait, silencieux, assombri, elle fut reprise de peur. « C'est donc grave que tu nous fais cette grimace ? Dis donc, nous restons avec toi, on se passera de nous à ce déjeuner. » Elle parlait d'une partie projetée pour le matin. Madame Hennebeau devait aller, avec sa calèche, chercher d'abord Cécile chez les Grégoire. Ensuite, elle viendrait les prendre et l'on irait tout à Marchiennes déjeuner aux Forges, où la femme du directeur les avait invités. C'était une occasion pour visiter les ateliers, les hauts fourneaux et les fours à coque. « Bien sûr, nous restons, » déclara Jeanne à son tour. Mais il se fâchait. « En voilà une idée. Je vous répète que ce n'est rien. » « Faites-moi le plaisir de vous refourrer dans vos lits et habillez-vous pour 9 heures, comme c'est convenu. » Il les embrassa et se hâta de partir. On entendit le bruit de ses bottes qui se perdaient sur la terre gelée du jardin. Jeanne enfonça soigneusement le bouchon du rhum, tandis que Lucie mettait les biscuits sous clé. La pièce avait la propreté froide des salles où la table est maigrement servie, et toutes deux profitaient de cette descente matinale pour voir si rien, la veille, n'était resté à la débandade. Une serviette traînée, le domestique serait grondé. Enfin, elles remontèrent. Pendant qu'ils coupaient au plus court, par les allées étroites de son potager. Deneulin songeait à sa fortune compromise, à ce denier de Montsou, ce million qu'il avait réalisé en rêvant de le décupler et qui courait aujourd'hui de si grands risques. C'était une suite ininterrompue de mauvaises chances, des répartitions énormes et imprévues, des conditions d'exploitation ruineuses, puis le désastre de cette crise industrielle, juste à l'heure où les bénéfices commençaient. Si la grève éclatait chez lui, il était par terre. Il poussa une petite porte. Les bâtiments de la fosse se devinaient dans la nuit noire à un redoublement d'ombre, étoilé de quelques lanternes. Jean Bart n'avait pas l'importance du Voreux, mais l'installation rajeunie en faisait une jolie fosse, selon le mot des ingénieurs. On ne s'était pas contenté d'élargir le puits d'1,50 m et de le creuser jusqu'à 708 mètres de profondeur. On l'avait équipé à neuf, machines neuves, cages neuves, tout un matériel neuf établi d'après les derniers perfectionnements de la science. Et même une recherche d'élégance se retrouvait jusque dans les constructions. Un hangar de criblage à lambrequin découpé, un beffroi orné d'une horloge, une salle de recette et une chambre de machine arrondies en chevet de chapelle Renaissance, que la cheminée surmontait d'une spirale de mosaïque faite de briques noires et de briques rouges. La pompe était placée sur l'autre puits de la concession, à la vieille fosse Gaston-Marie, uniquement réservée pour l'épuisement. Jean Bart, à droite et à gauche de l'extraction, n'avait que deux goyots, celui d'un ventilateur à vapeur et celui des échelles. Le matin des 3 heures, Chaval était arrivé le premier, débauchant les camarades, les convainquant qu'il fallait imiter ceux de Montsou et demander une augmentation de 5 centimes par berline. Bientôt, les 400 ouvriers du fond avaient débordé de la baraque dans la salle de recette, au milieu d'un tumulte de gestes et de cris. Ceux qui voulaient travailler tenaient leurs lampes, pieds nus, la pelle ou la rivelaine sous le bras, tandis que les autres, encore en sabots, le paletot sur les épaules à cause du grand froid, barraient le puits, et les porions s'étaient enroués à vouloir mettre de l'ordre, à les supplier d'être raisonnables, de ne pas empêcher de descendre ceux qui en avaient la bonne volonté. Mais Chaval s'emporta quand il aperçut Catherine en culotte et en veste, la tête serrée dans le béguin bleu. Il lui avait, en se levant, signifié brutalement de rester couchée. Elle, désespérée de cet arrêt du travail, l'avait suivi tout de même, car il ne lui donnait jamais d'argent. Elle devait souvent payer pour elle et pour lui. Et qu'allait-elle devenir si elle ne gagnait plus rien? Une peur l'obsédait, la peur d'une maison publique de Marchienne, où finissaient les herscheuses sans pain et sans gîte. « Nom de Dieu !» cria Chaval. « Qu'est-ce que tu viens foutre ici ?» Elle bégaya. Elle bégaya qu'elle n'avait pas des rentes et qu'elle voulait travailler. « Alors, tu te mets contre moi, garce ? Rentre tout de suite ou je te raccompagne à coups de sabot dans le derrière. » Peureusement, elle recula, mais elle ne partit point, résolue à voir comment tourneraient les choses. Deneulin arrivait par l'escalier du criblage. Malgré la faible clarté des lanternes, d'un vif regard il embrassa la scène, cette cohue noyée d'ombre dont il connaissait chaque face, les haveurs, les chargeurs, les moulineurs, les herscheurs jusqu'au galibot. Dans la nef, neuve et encore propre, la besogne arrêtée attendait. La machine sous pression avait de légers sifflements de vapeur. Les cages demeuraient pendues aux câbles immobiles. Les berlines, abandonnées en route, encombraient les dalles de fonte. On venait de prendre à peine 80 lampes, les autres flambaient dans la lampisterie. Mais un mot de lui suffirait sans doute, et toute la vie du travail recommencerait. « Eh bien, que se passe-t-il, mes enfants ? » demanda-t-il à pleine voix. « Qu'est-ce qui vous fâche ? Expliquez-moi ça, nous allons nous entendre. » D'ordinaire, il se montrait paternel pour ses hommes, tout en exigeant beaucoup de travail. Autoritaire, l'allure brusque, il tâchait d'abord de les conquérir par une bonhomie qui avait des éclats de clairon. Et il se faisait aimer souvent. Les ouvriers respectaient surtout en lui l'homme de courage, sans cesse dans les tailles avec eux, le premier au danger dès qu'un accident épouvantait la fosse. Deux fois, après des coups de grisou, on l'avait descendu lié par une corde sous les aisselles lorsque les plus braves reculaient. « Voyons, reprit-il, vous n'allez pas me faire repentir d'avoir répondu de vous. Vous savez que j'ai refusé un poste de gendarme. Parlez tranquillement, je vous écoute. » Tous se taisaient maintenant, gêné, s'écartant de lui. Et ce fut Chaval qui finit par dire « Voilà, monsieur Deneulin, nous ne pouvons continuer à travailler. Il nous faut 5 centimes de plus par berline. » Il parut surpris. « Comment ? 5 centimes ? À propos de quoi cette demande ? Moi, je ne me plains pas de votre boisage. Je ne veux pas vous imposer un nouveau tarif, comme la régie de Montsou. » « C'est possible. Mais les camarades de Montsou sont tout de même dans le vrai. Ils repoussent le tarif et ils exigent une augmentation de 5 centimes parce qu'il n'y a pas moyen de travailler proprement avec les marchandages actuels. Nous voulons 5 centimes de plus. N'est-ce pas, vous autres ?» Des voix approuvèrent. Le bruit reprenait au milieu de gestes violents. Peu à peu, tous se rapprochaient en un cercle étroit. Une flamme alluma les yeux de Deneulin, tandis que sa poigne d'homme amoureux des gouvernements fort se serrait, de peur de céder à la tentation d'en saisir un par la peau du cou. Il préféra discuter, parler raison. « Vous voulez 5 centimes, et j'accorde que la besogne les vaut. Seulement, je ne puis pas vous les donner. Si je vous les donnais, je serais simplement fichu. Comprenez donc qu'il faut que je vive, moi, d'abord, pour que vous viviez. Et je suis à bout. » La moindre augmentation de prix de revient me ferait faire la culbute. Il y a 2 ans, rappelez-vous, lors de la dernière grève, j'ai cédé, je le pouvais encore. Mais cette hausse de salaire n'en a pas moins été ruineuse, car voici 2 années que je me débats. Aujourd'hui, j'aimerais mieux lâcher la boutique tout de suite que de ne savoir le mois prochain où prendre de l'argent pour vous payer. Chaval avait un mauvais rire en face de ce maître qui leur contait si franchement ses affaires. Les autres baissaient le nez, têtus, incrédules, refusant de s'entrer dans le crâne qu'un chef ne gagna pas des millions sur ses ouvriers. Alors Deneulin insista. Il expliquait sa lutte contre Montsou, toujours aux aguets, prêt à le dévorer s'il avait un soir la maladresse de se casser les reins. C'était une concurrence sauvage qui le forçait aux économies, d'autant plus que la grande profondeur de Jean Bart augmentait chez lui le prix de l'extraction, conditions défavorables à peine compensées par la forte épaisseur des couches de houille. Jamais il n'aurait haussé les salaires à la suite de la dernière grève sans la nécessité où il s'était trouvé d'imiter Montsou, de peur de voir ses hommes le lâcher. Et il les menaçait du lendemain. Quel beau résultat pour eux s'ils l'obligeaient à vendre, de passer sous le joug terrible de la régie. Lui ne trônait pas au loin, dans un tabernacle ignoré. Il n'était pas un de ces actionnaires qui paient des gérants pour tondre le mineur et que celui-ci n'a jamais vu. Il était un patron. Il risquait autre chose que son argent. Il risquait son intelligence, sa santé, sa vie. L'arrêt du travail allait être la mort tout bonnement, car il n'avait pas de stock et il fallait pourtant qu'il expédiât les commandes. D'autre part, le capital de son outillage ne pouvait dormir. Comment tiendrait-il ses engagements ? Qui paierait le taux des sommes que lui avaient confiées ses amis? Ce serait la faillite. « Et voilà, mes braves, » dit-il en terminant, « je voudrais vous convaincre. On ne demande pas à un homme de s'égorger lui-même, n'est-ce pas? Et que je vous donne vos 5 centimes, ou que je vous laisse vous mettre en grève, c'est comme si je me coupais le cou. » Il se tut. Des grognements coururent. Une partie des mineurs semblait hésiter. Plusieurs retournèrent près du puits. « Au moins, dit un porion, que tout le monde soit libre. Quels sont ceux qui veulent travailler ?» Catherine s'était avancée une des premières. Mais Chaval, furieux, la repoussa en criant. « Nous sommes tous d'accord. Il n'y a que les gens foutres qui lâchent les camarades. » Dès lors, la conciliation parut impossible. Les cris recommençaient. Des bousculades chassaient les hommes du puits, au risque de les écraser contre les murs. Un instant, le directeur, désespéré, essaya de lutter seul, de réduire violemment cette foule. Mais c'était une folie inutile. Il dut se retirer. Et il resta quelques minutes au fond du bureau du receveur, essoufflé sur une chaise, si éperdu de son impuissance que pas une idée ne lui venait. Enfin, il se calma. Il dit à un surveillant d'aller lui chercher Chaval. Puis, quand ce dernier eut consenti à l'entretien, il congédia le monde du geste. « Laissez-nous !» L'idée de Deneulin était de voir ce que ce gaillard avait dans le ventre. Dès les premiers mots, il le sentit vaniteux, dévoré de passion jalouse. Alors il le prit par la flatterie, affecta de s'étonner qu'un ouvrier de son mérite compromît de la sorte son avenir. À l'entendre, il avait depuis longtemps jeté les yeux sur lui pour un avancement rapide, et il termina en offrant carrément de le nommer Porion plus tard. Chaval l'écoutait, silencieux, les poings d'abord serrés, puis peu à peu détendus. Tout un travail s'opérait au fond de son crâne. S'il s'entêtait dans la grève, il ne serait jamais que le lieutenant d'Étienne, tandis qu'une autre ambition s'ouvrait, celle de passer parmi les chefs. Une chaleur d'orgueil lui montait à la face et le grisait. Du reste, la bande de grévistes, qui l'attendait depuis le matin, ne viendrait plus à cette heure. Quelque obstacle avait dû l'arrêter, des gendarmes peut-être. Il n'était que temps de se soumettre. Mais il n'en refusait pas moins de la tête. Il faisait l'homme incorruptible, à grande tape indignée sur son cœur. Enfin, sans parler au patron du rendez-vous donné par lui à ceux de Montsou, il promit de calmer les camarades et de les décider à descendre. Deneulin reste à cacher. Les Porions eux-mêmes se tinrent à l'écart. Pendant une heure, ils entendirent Chaval pérorer, discuter, debout sur une berline de la recette. Une partie des ouvriers le huaient. 120 s'en allèrent, exaspérés, s'obstinant dans la résolution qu'il leur avait fait prendre. Il était déjà plus de 7 heures. Le jour se levait très clair, un jour gai de grandes gelées. Et tout d'un coup, le branle de la fosse recommença. La besogne arrêtée continuait. Ce fut d'abord la machine dont la bielle plongea, déroulant et enroulant les câbles des bobines. Puis au milieu du vacarme des signaux, la descente se fit, les cages s'emplissaient, s'engouffraient, remontaient, le puits avalait sa ration de galibots, de herscheuses et de haveurs, tandis que sur les dalles de fonte, les moulineurs poussaient les berlines dans un roulement de tonnerre. « Nom de Dieu, qu'est-ce que tu fous là ?» cria Chaval à Catherine qui attendait son tour. « Veux-tu bien descendre et ne pas flâner ?» À 9 heures, lorsque Madame Hennebeau arriva dans sa voiture avec Cécile, elle trouva Lucie et Jeanne toutes prêtes, très élégantes malgré leur toilette 20 fois refaite. Mais Deneulin s'étonna en apercevant Négrel qui accompagnait la calèche à Cheval. « Quoi donc ? Les hommes en étaient ?» Alors Madame Hennebeau expliqua de son air maternel qu'on l'avait effrayée, que les chemins étaient pleins de mauvaises figures, disait-on, et qu'elle préférait emmener un défenseur. Négrel riait et les rassurait. Rien d'inquiétant, des menaces de braillard comme toujours, mais pas un qui oserait jeter une pierre dans une vitre. Encore joyeux de son succès, Deneulin raconta la révolte réprimée de Jean Bart. Maintenant il se disait bien tranquille. Et sur la route de Vandame, pendant que ces demoiselles montaient en voiture, tous s'égayaient de cette journée superbe, sans deviner au loin, dans la campagne, le long frémissement qui s'enflait, le peuple en marche dont ils auraient entendu le galop s'ils avaient collé l'oreille contre la terre. « Eh bien, c'est convenu !» répéta Madame Hennebeau. « Ce soir, vous venez chercher ces demoiselles et vous dîner avec nous. Madame Grégoire m'a également promis de venir reprendre Cécile. »« Comptez sur moi !» répondit Deneulin. La calèche partit du côté de Vandame. Jeanne et Lucie s'étaient penchées pour rire encore à leur père, resté debout au bord du chemin, tandis que Négrel trottait galamment derrière les roues qui fuyaient. On traversa la forêt, on prit la route de Vandame à Marchienne. Comme on approchait du Tartaret, Jeanne demanda à Madame Hennebeau si elle connaissait la Côte Verte, et celle-ci, malgré son séjour de 5 ans déjà dans le pays, avoua qu'elle n'était jamais allée de ce côté. Alors on fit un détour. Le Tartaret, à la lisière du bois, était une lande inculte, d'une stérilité volcanique, sous laquelle, depuis des siècles, brûlait une mine de houille incendiée. Cela se perdait dans la légende. Des mineurs du pays racontaient une histoire. Le feu du ciel tombant sur cette Sodome des entrailles de la terre, où les herscheuses se souillaient d'abominations, si bien qu'elle n'avait pas même eu le temps de remonter, et qu'aujourd'hui encore, elle flambait au fond de cet enfer. Les roches calcinées, rouges sombres, se couvraient d'une efflorescence d'alun, comme d'une lèpre. Du soufre poussait en une fleur jaune, au bord des fissures. La nuit, les braves qui osaient risquer un œil à ces trous juraient y voir des flammes, les âmes criminelles en train de grésiller dans la braise intérieure. Des lueurs errantes couraient au ras du sol, des vapeurs chaudes empoisonnant l'ordure et la sale cuisine du diable fumaient continuellement. Et ainsi qu'un miracle d'éternel printemps, au milieu de cette lande maudite du Tartaret, La côte verte se dressait avec ses gazons toujours verts, ces hêtres dont les feuilles se renouvelaient sans cesse, ces champs où mûrissaient jusqu'à 3 récoltes. C'était une serre naturelle, chauffée par l'incendie des couches profondes. Jamais la neige n'y séjournait. L'énorme bouquet de verdure, à côté des arbres dépouillés de la forêt, s'épanouissait dans cette journée de décembre sans que la gelée en eût même roussi les bords. Bientôt la calèche fila en plaine. Négrel plaisantait la légende, expliquait comment le feu prenait le plus souvent au fond d'une mine par la fermentation des poussières du charbon. Quand on ne pouvait s'en rendre maître, il brûlait sans fin. Et il citait une fosse de Belgique qu'on avait inondée en détournant et en jetant dans le puits une rivière. Mais il se tut. Des bandes de mineurs croisaient à chaque minute la voiture depuis un instant. Ils passaient silencieux, avec des regards obliques, dévisageant ce luxe qui les forçait à se ranger. Leur nombre augmentait toujours. Les chevaux durent marcher au pas sur le petit pont de la Scarpe. Que se passait-il donc pour que ce peuple fût ainsi par les chemins? Ces demoiselles s'effrayaient. Négrel commençait à flairer quelques bagarres dans la campagne frémissante. Et ce fut un soulagement lorsqu'on arriva enfin à Marchiennes. Sous le soleil qui semblait les éteindre, les batteries des fours à coke et les tours des hauts fourneaux lâchaient des fumées dont la suie éternelle pleuvait dans l'air.